trajet. Il faut réduire la vitesse. Je t'aimais, c'est du passé. Je vais me consoler chez Versace. J'ai peut-être mes défauts. Je m'aimerais, je l'avoue. Ça l'est triste comme au dépôt. Un seul fantasy, I love you. Un seul fantasy, I love you.